S'il n'y avait qu'une constellation à observer dans le ciel d'hiver, ce serait Orion. Il vous suffit de regarder en direction du sud et on ne voit qu'elle, avec sa forme si particulière. Et nous allons voir qu'Orion nous offre presque tous les types d'objets astronomiques que l'on puisse admirer. Traçons maintenant les différentes constellations qui entourent Orion. Nous avons le Taureau, les Gémeaux, la Licorne, et le petit et le grand chien, ainsi que le lièvre, viennent entourer l'archer céleste. Rapprochons-nous maintenant un peu d'Orion. Découvrons toutes les merveilles qui s'y cachent. Faisons donc une petite liste et traçons sur cette carte les différents objets remarquables d'Orion, avant d'en faire le tour. Nous commençons notre découverte par l'étoile la plus brillante de la constellation, qui montre une belle couleur rouge-orangée. C'est Bételgeuse. Alpha Ori. Quand on observe Orion, il faut toujours surveiller Bételgeuse. Pour la simple raison que cette étoile, qui est une supergéante rouge située à 400 années-lumière seulement de nous, eh bien, elle peut exploser d'une minute à l'autre en une formidable explosion qui la rendra aussi lumineuse que la pleine lune et la rendra même visible en plein jour. Il faut donc y garder un œil des fois que ça arrive pile au moment où vous levez la tête. Hein ? Allez, nous descendons maintenant dans le dos de l'archer pour trouver une nébuleuse assez brillante qui s'appelle M78, d'une magnitude de 8, qui enveloppe 3 étoiles, dont 2 brillantes et une autre plus faible. Cette nébuleuse est presque ronde. Le champ autour est pauvre en étoiles, car caché par un nuage plus sombre. Non loin de là, un peu plus bas, nous rencontrons une autre petite nébuleuse, qui s'appelle NGC 2024, aussi appelée la nébuleuse de la flamme, et qui se trouve juste à côté de la très brillante Alnitak. Et d'ailleurs, il est préférable de ne pas intégrer Alnitak dans le champ de vue de votre oculaire pour bien profiter de NGC 2024. Juste en dessous de Alnitak, nous trouvons un petit joyau. C'est l'étoile Sigma Ori, qui est une étoile non pas double, mais quadruple, avec des magnitudes respectives des composantes de 3,7, 8,8, 6,6 et 6,3. Ces quatre composantes sont étonnamment alignées. Allez, descendons encore doucement en direction du point central qui fait l'identité de Orion, mais arrêtons-nous juste avant. Nous arrivons sur un amas ouvert dénommé NGC 1981, assez peu fourni, mais montrant toutefois de belles étoiles brillantes, et on peut y voir deux doubles parmi les 6 étoiles principales de l'amas. Allez, encore un petit effort et nous arriverons bientôt au Graal d'Orion. Nous descendons très doucement pour trouver une nébuleuse un peu ronde, M43, qui est un peu la tête de celle qui nous attend juste en dessous. Cette pure merveille du ciel, ce Graal hivernal, la grande nébuleuse d'Orion, alias M42, qui vient s'éclairer par la quadruple Theta Ori, appelée aussi le trapèze, et qui est en fait accompagné de 2 autres étoiles plus faibles. M42 se déploie majestueusement, tel un oiseau immortel, visible à l'œil nu sous un bon ciel, déjà impressionnant aux jumelles et somptueux au télescope. Sans doute la plus belle nébuleuse du ciel. Allez, on quitte avec regret M42 pour descendre un peu en dessous et trouver Iota Ori, qui est une étoile double figurant le bout de l'épée de notre cher guerrier. Elle est d'ailleurs entourée d'une nébulosité qu'elle éclaire, NGC 1980, pour la nommer. Nous bifurquons maintenant pour aller sur le pied de notre archer et retrouver la très brillante Rigel, qui n'est autre que Beta Ori, et qui est en fait une étoile double avec 2 composantes bleues, une très brillante et une très faible, à chercher dans la lumière aveuglante de la première. Il nous faut maintenant remonter vers le nord, en direction de l'Arc. Nous tombons sur NGC 1788, qui est une nébuleuse à réflexion assez peu contrastée. Elle possède une forme singulière, puisqu'elle semble être formée de 2 lobes, chacun centré sur une étoile, le lobe brillant correspondant à l'étoile la plus faible des 2. Avant de remonter franchement vers le nord, revenons quelque peu vers le centre de la constellation, en direction de ce trio caractéristique. Nous nous arrêtons sur une étoile brillante qui porte le petit nom de Eta Ori. En fait, une étoile double, dont les composantes de magnitude 3,6 et 4,7 ne sont séparées que par 1,7 seconde d'arc, que vous vous amuserez à séparer avec un bon télescope d'au moins 200 mm. Dirigeons-nous vers l'arc, justement, tiens. Je vous convie à jeter un œil averti sur cette étoile brillante qui s'appelle Rho Ori, jolie étoile double de magnitude 4,6 et 8,5, qui est donc composée d'une étoile orange brillante et d'une compagne plus faible, bleutée, séparée par 7 secondes d'arc. Continuons encore notre remontée jusqu'au bout de l'arc céleste. Ici se cache NGC 1662. C'est un petit amas ouvert, assez peu fourni, mais amusant, avec une étoile bien jaune trônant en plein milieu. Nous continuons notre tour en nous dirigeant vers ce qui figure la tête d'Orion, à savoir l'étoile Lambda Ori. Et je devrais plutôt dire les étoiles Lambda, car c'est là encore une étoile quadruple, avec deux composantes très proches et deux autres plus éloignées. Un très beau petit système. Allez, il vous reste encore deux objets à aller voir. Tout d'abord, allez en direction de Bételgeuse à partir de Lambda Ori. Mais arrêtez-vous à un tiers du chemin. Qu'y a-t-il à voir ici? Eh ben, pour changer, il s'agit d'une petite nébuleuse planétaire qui a la particularité de ne pas apparaître tout à fait uniforme. C'est NGC 2022. Nous terminons ce tour d'Orion par un bel amas ouvert, NGC 2169, qui se trouve comme perché tout en haut de cette constellation. Plusieurs membres de ce sympathique amas sont en fait des étoiles doubles. À vous de les débusquer. Il ne manque à Orion finalement que quelques galaxies et quelques amas globulaires pour en faire une constellation plus que parfaite. Mais elle a pour elle de posséder la grande nébuleuse, ce qui vaut évidemment toutes les galaxies.